gris brille, vu que style petit casse-toi. Dans la record, barre-toi, je te pète le décor, regarde froid. Le quartier anti-port, 83, je suis pas rassasié même après 83. Reste droit, pas de virage, reste là, je rends hommage à ceux en cache, sois chaud, même quand ça gêne. Garde ta dignité, sachant que tout se vend, tout s'achète. Car ta vie peut basculer sous la pression d'une gâchette. Arrache les mots en marche, j'arrache les titres, on lâche. On répond à l'outrage, le rap plus cause des dommages irréversibles. Nique l'État, ils ont fait de nous leur cible. Avec Sarkozy, même les hippies sont devenus racistes. C'est la crise, pendant qu'ils roulent sur l'or. Nous on galère sur la piste, ils ont les rênes du pouvoir. Pour être bien, on prend des risques. C'est qu'on farme, mélange islam et terrorisme. Enchaîne l'expression, nos frères en Palestine. C'est gris, vécu style, petit casse-toi. Poussin Chris et Moustakil, on fout le da'wa. J'fais hala dans ma ville, mec c'est ma voix. Putain de missile sur la rime, mec c'est Hagra. Brie, brie, vécu style, petit casse-toi. Poussin Chris et Moustakil, on fout le da'wa. J'fais hala dans ma ville, mec c'est ma voix. Putain de missile sur la rime, mec c'est Hagra. Ici la terreur est humaine, soit tu suis, soit tu m'aimes. Soit tu fuis comme une merde, mec. Ça on le fait nous-mêmes, rivière les mêmes. Devine qui se ramène, Socratali le phénomène. M'amène. Vécu style, reste hostile, jusqu'au stick. Hagra technique, écrit au style direct. J'mets le fat pour pronostic. Andek, c'est du Socrate, pas du Mozart. Esprit Mozart, j'rappe, une mentalité mise au sale. Donc j'rappe sale, sur un beat dur. La beat dure, j'baisse le bitume par habitude. Mon flow c'est un cheater, appelle les stupeux. J'mets le feu en stud, alors arrête-moi si tu peux. Égal, vu quartier sort de l'ombre. Jugé de langue, technicien de langue. L'esprit sombre, vécu s'rally. Trop speed comme une caisse de rallye. Demande à mon bon Benani qui s'en prend la haine. Vécu style, petit casse-toi. Poussin Chris et Moustakil, on fout le da'wa. J'fais hala dans ma ville, mec c'est ma voix. Putain de missile sur la rime, mec c'est Hagra. Brie, brie, vécu style, petit casse-toi. Poussin Chris et Moustakil, on fout le da'wa. J'fais hala dans ma ville, mec c'est ma voix. Putain de missile sur la rime, mec c'est Hagra. C'est Moustakil, régime sans shit, écarte les âmes sensibles. Et c'est pas juste un transit, tu peux rien face au gros cheat, au gros beat. Viens tester, j'te fais une Hagra party. Représente le vécu, 83 brie, brie, brie, brie. Après ce couplet, vas-y cousine, cri, cri. J'rappe et fais hala pour le vieux quartier, ma patrie. Tu crois pas, vérifie, montre sur ta chénifie. Un mélange à géorifie, y'a pas que la rime qui terrifie. C'est toujours le même domaine, les problèmes foutent la haine. Les petits défaits n'amendent la haine, nickel. Check, puis vite, que Raikkonen. Zan avec la même dégaine, vise la dégaine. Tu crains des gains, tu portes la guine. J'aligne, fais pas le godin. Sale GN, laisse tomber, c'est pas la peine. J'ai la rage et l'écrou, avec mon crew, j'fonce dans le tas. J'appas, j'pèse l'état. Seul Dieu peut me mettre en état. Vécu style, petit casse-toi. Poussin Chris et Moustakil, on fout le da'wa. J'fais hala dans ma ville, mec c'est ma voix. Putain de missile sur la rime, mec c'est Hagra. Brie, brie, vécu style, petit casse-toi. Poussin Chris et Moustakil, on fout le da'wa. J'fais hala dans ma ville, mec c'est ma voix. Putain de missile sur la rime, mec c'est Hagra. Petit casse-toi, Poussin Chris et Moustakil, on fout le da'wa. J'fais hala dans ma ville, mec c'est ma voix. Putain de missile sur la rime, mec c'est Hagra. Brie, brie, vécu style, petit casse-toi. Poussin Chris et Moustakil, on fout le da'wa. J'fais hala dans ma ville, mec c'est ma voix. Putain de missile sur la rime, mec c'est Hagra.